quatrième et dernier temps de notre histoire des pédagogies nouvelles. Aujourd'hui, le débat, un débat sur le plan Langevin-Vallon datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un débat historiographique co-animé par Séverine Niattard et consacré à ce projet de réforme de l'enseignement datant de 1947, connu sous le nom de plan Langevin-Vallon, un plan à la fonction quasi-liturgique pour la gauche française, écrivent deux de nos invités, une référence sacrale, écrit également l'historien Antoine Pro. Comment et pourquoi cette commission de réforme de l'enseignement a-t-elle été mise en place à l'automne 1944? Quels en étaient ses principaux membres? Pourquoi une grande partie de ses préconisations liées à la démocratisation de l'enseignement n'ont n'a-t-elle pas été appliquée dans l'immédiat, tout en inspirant parfois les réformes postérieures de ce même enseignement? Avec nos trois invités, nous reviendrons sur les axes de ce plan, la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, l'école divisée en trois cycles, ainsi que sur les débats qu'il a suscités. Nos trois invités sont Pierre Kahn, il est professeur émérite à l'université de Caen, co-directeur de l'ouvrage Le plan Langevin-Vallon, histoire et actualité d'une réforme de l'enseignement, publié aux presses, aux éditions universitaires de Lorraine. L'autre co-directeur est Laurent Gouthier. Il est avec nous également. Il est professeur de sciences de l'éducation à Paris-Nanterre. Troisième invité qui participe aussi à cet ouvrage, il s'appelle André Robert. Il est professeur émérite de sciences de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2, auteur de l'école en France de 1945 à nos jours aux presses universitaires de Grenoble. Mais je vous l'ai promis tout à l'heure chez Guillaume Erner, nous commençons cette émission du jeudi par un nouvel épisode de notre feuilleton La fabrique de l'histoire scolaire, préparé par Séverine Niattard. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. État de Saint-Empiron, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? État de Saint-Empiron, tout est prévu. Est-ce que la porte est ouverte? La fabrique de l'histoire scolaire. Écoutez, s'il vous plaît. Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Alors, pour commencer, on va avoir besoin de l'ordinateur. On va aller sur Gmail. Clara, vous avez la Léopold de Lagarde enseigne l'histoire au lycée Jean Zay à Aulnay-sous-Bois. Il s'agit ce matin de faire réfléchir ses élèves de terminale L sur ce qu'est l'histoire. Alors, vous avez un mail qui s'appelle FQ. Sur le FQ, vous avez deux choses. La première, c'est la rencontre avec Abdel RER. Vous savez que j'aime bien parler aux gens. Vous savez que je suis curieux. Alors, quand on parle d'histoire dans le RER, vous êtes prêts? Tous les ancêtres, ça ne peut nous conduire que vers une certaine vérité qui est la vérité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mensonge qui accompagne l'histoire de notre existence. Ça veut dire, s'il y a des mensonges, ça veut dire que ça a été un peu ancien. Mais je pense que vous mélangez deux choses. Non, je ne mélange pas. Je peux? Oui, allez-y. Je pense que vous ne distinguez pas très bien entre l'histoire et la mémoire. La mémoire, c'est ce que vous pensez, mais c'est aussi ce que vous portez aussi. Non. Moi, je pense que l'histoire, c'est ce que nous partageons en faisant conjuguer à l'ensemble. Ça veut dire c'est en conjugue au pluriel. Non, moi, je pense que ça, c'est la mémoire, justement. Maintenant, je vous propose, puisqu'on a France Culture avec nous, d'écouter une émission de Manuel Laurentin de cet été, qui date du 3 août. Présentation du témoin. Je n'écris pas ici mes souvenirs. Les petites aventures personnelles d'un soldat parmi beaucoup importent en ce moment assez peu et nous avons d'autres soucis que de rechercher le chatouillement du pittoresque ou de l'humour. Mais un témoin a besoin d'un état civil. Avant même de faire le point de ce que j'ai pu voir, il convient de dire avec quels yeux je l'ai vu. Écrire et enseigner l'histoire, tel est depuis tantôt 34 ans mon métier. Il m'a amené à feuilleter beaucoup de documents d'âge divers pour y faire de mon mieux le tri du vrai et du faux, à beaucoup regarder et observer aussi, car j'ai toujours pensé qu'un historien a pour premier devoir, comme disait mon maître Pirène, de s'intéresser à la vie. Alors, si on compare les dires de Abdelkader et de Marc Bloch, lu par Emmanuel Laurentin, est-ce qu'il y a quelques idées qui vous viennent en tête pour définir l'histoire? Vous vous rappelez du questionnaire de début d'année que je vous ai donné? Neder, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire selon vous? C'est l'utilité de comprendre comment et pourquoi nous sommes arrivés à notre société. J'arrive pas à lire. Et aussi de ne pas faire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. C'est très bien, faites pas cette tête, Neder, c'est bien. Cyrine, qu'est-ce que l'histoire selon vous? Des faits passés racontés par le prof. À quoi sert-elle? Je sais pas trop. Non mais attendez, on va y venir. Enfin, faut vraiment partir de la base. L'histoire, c'est étudier des épisodes marquants de l'histoire française, mais aussi mondiale. Ah, vous voyez, on change déjà d'échelle. Française, mondiale, les faits passés, mais dans le monde. À quoi sert-elle? Mieux comprendre l'évolution de la société. Ça, c'était Mélanie. Marine, comprendre l'histoire passée pour pouvoir comprendre le monde d'aujourd'hui. Ouais. Et voilà, je peux tout vous lire, mais on va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce que l'histoire selon vous? Je vais l'écrire au tableau. C'est comprendre le monde. Il y a combien de personnes qui pensent ça ici? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À l'époque, c'était combien? C'était 7. L'histoire, c'est le passé. Plus ou moins glorieux, quelqu'un écrit. Plus ou moins glorieux. Qui pense ça aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À l'époque, c'était 5, donc kiff kiff. Il y en a un qui m'a écrit, c'est le premier pas vers l'imagination. On ne citera pas William, mais c'était bien. Alors ça, c'était une personne. Qui pense que c'est le premier pas vers l'imagination? William, vous êtes fidèle à vos convictions, ça fait plaisir. Le passé qui nous construit, ça c'est extrêmement révélateur, et c'est aussi ce que disait Abdelkader, si vous avez bien noté. Le passé qui nous construit. Qui pense ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À l'époque, c'était 5. En fait, moi, ce que je pense avec cet échange, c'est que vous n'aviez pas toutes les clés. Je vous avais donné ça et je vous l'ai fait faire en 20 minutes, ce petit questionnaire où vous deviez remplir vos études futures envisagées, etc. Donc, je crois qu'on a fait tout le monde. Alors, l'année dernière, j'ai des élèves qui m'ont fait l'histoire mondiale de la France. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de relire le texte de Patrick Boucheron que vous avez en main. Est-ce que quelqu'un veut relire le texte de Boucheron, paragraphe par paragraphe? Nous avons besoin d'histoire car il nous faut du repos. Une halte pour reposer la conscience, pour que demeure la possibilité d'une conscience, non pas seulement le siège d'une pensée, mais d'une raison pratique, donnant toute latitude d'agir. Sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du présent. Voici pourquoi cette histoire n'a, par définition, ni commencement ni fin. Il faut sans se lasser et sans faiblir opposer une fin de non-recevoir à tous ceux qui attendent des historiens qui les rassurent sur leur certitude, cultivant sagement le petit lopin des continuités. Ce qui se passe, c'est qu'on a trois textes ici, ou plutôt deux textes et une intervention orale dans le RER avec les bips du train. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de les mettre en relation par rapport à ce qu'on vient d'écrire au tableau. Alors, comprendre le monde, qui dit ça? Ouais, c'est Bloch et Boucheron. Le passé plus ou moins glorieux, c'est qui? C'est pas Abdel, c'est sûr, il dit pas ça. C'est Boucheron. Et c'est qui? Et Bloch. Le premier pas vers l'imagination. Ça, il n'y a que William qui le dit. Encore qu'on pourrait interpréter un peu plus largement, mais bon. Le passé qui nous construit, qui dit ça? Boucheron, c'est vrai. Et puis? Bloch, oui. En fait, il ne le dit pas dans le texte que je vous ai donné, il le dit un peu après, mais oui, dans l'absolu. Et puis? Abdel, bien sûr, il le dit. Il dit ça? Les ancêtres, la mémoire, machin truc. Enfin, il n'est pas d'accord pour la mémoire, mais m'écoutez pas. On reste encore 5 minutes? Non, monsieur. Oh le... Ok, vous prenez un bouquin de chaque et je tape sur mon ordinateur pour savoir lequel vous prenez. Demain, je veux la fiche de lecture avec c'est quoi l'histoire, c'est quoi les histoires. Un de là, un de là. Non. Non, mademoiselle. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voilà pour cet épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire conçu par Séverine Yattar ici présente. Bonjour Séverine. Bonjour. Mais avec une prise de son qui a été assurée par Olivier Leroux et une réalisation par Marie-Laure Ciboulet. Alors nous avons des spécialistes de sciences de l'éducation autour de la table. Ils ont écouté cette discussion donc d'un professeur d'aujourd'hui avec ses élèves, donc professeur d'histoire à Aulnay-sous-Bois. Et le cœur de cette discussion, c'était l'histoire et la mémoire. Comment faire la différence entre histoire et mémoire, qui est une question relativement classique chez nous. On pourrait dire que le débat d'aujourd'hui, Pierre Kahn, bonjour. Bonjour. C'est faire la différence entre l'histoire du plan Langevin-Wallon et la mémoire qu'on en a conservée, non? Alors, En un sens, oui, il faut faire cette différence entre histoire et mémoire, bien que pour le plan Angevin Vallon, je me demande s'il s'agit de mémoire ou de reconstruction. De rêverie. Non, peut-être pas de rêverie, mais de reconstruction à partir d'une réalité qui était le plan Angevin Vallon, qui a été, je ne sais plus qui l'a dit, beaucoup plus cité qu'il n'a été lu réellement. Donc en ce sens, il y a, c'est un faux souvenir hein, pour beaucoup. Quoi. Laurent Gutiérrez, ainsi qu'André Robert, vous avez participé et coordonné pour vous, Laurent Gutiérrez, ce travail sur le plan Langevin-Vallon. On peut en faire l'histoire de ce plan Langevin-Vallon avec les archives que vous avez consultées les uns et les autres. Oui, naturellement. Alors, ce plan mérite aussi de que l'on revienne sur la genèse de sa mise en place, puisque c'est une commission qui a donné lieu à un certain nombre d'échanges sur la place et le rôle que les membres allaient y jouer. Donc il y a des appartenances syndicales, il y a aussi des membres qui sont issus de la résistance, mais ce plan Langevin-Vallon aujourd'hui s'inscrit dans le temps. Il n'est pas un moment de l'histoire donnée en tant que tel, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une histoire longue avec les compagnons de l'école unique, puis le Front populaire, et avec un aboutissement, on va dire, ministériel ou institutionnel, avec sa mise en place à la Libération. Oui, André Robert, cet enseignant d'Aulnay-sous-Bois, enseigne au lycée Jean Zay, en l'occurrence. Il faut peut-être, pour parler de ce plan Langevin-Vallon, revenir au rôle qu'a pu avoir le Front populaire et Jean Zay, justement, dans cette mise en avant des pédagogies nouvelles dont on trouve la trace dans le plan Langevin-Vallon de 1947. Oui, alors Jean Zay a eu historiquement une importance remarquable du point de vue de la problématique de la démocratisation de l'enseignement en France et plus particulièrement de l'enseignement secondaire. Jean Zay a pris une mesure qui a été de prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. Ce n'était pas le cas au moment du Front populaire. Il a mis en chantier un projet de réforme démocratisant de l'enseignement secondaire, qui n'a pas abouti pour les raisons de survenue de la guerre. Mais il a aussi été à l'origine de l'expérimentation des classes d'orientation, lesquelles avaient pour caractéristique de mettre en œuvre la pédagogie nouvelle, de réduire le nombre d'élèves par classe et de centrer la pédagogie sur l'élève, l'observation de ses aptitudes en vue d'une meilleure orientation. Séverine Yatin. En tout état de cause, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce plan Langevin-Vallon prend place dans un contexte bien particulier quand même, au lendemain de la guerre, en pleine reconstruction. Vous dites, je crois, 5000 écoles primaires ont été détruites. Hein, donc, d'un point de vue tout simplement matériel, il y a un manque évident. Les subventions ont baissé. Il y a des collèges et des lycées aussi qui ont été détruits. On manque d'enseignants. Enfin bref, alors que ce plan se veut d'une certaine manière assez révolutionnaire, au sens où il doit bouleverser le système scolaire, il doit faire face dans le même temps à une pénurie évidente dans beaucoup de domaines. Laurent Gutiérrez. Oui, le poids du contexte joue énormément dans ce plan Langevin-Vallon. D'ailleurs, avec un petit peu de recul, on peut se dire qu'il était presque avoué que n'être qu'un plan, puisque sans soutien financier ou sans accompagnement financier, c'est vrai que ce plan était voué, en tout cas en termes de sur le plan de son application, à rencontrer un certain nombre de difficultés. Il a même été question à un moment donné d'inscrire le plan dans le fameux plan monnaie de relance de l'économie française, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui explique d'ailleurs les difficultés de mise en place du plan dans les classes. Alors il y a bien une expérience, l'expérience des classes nouvelles, et là il faut reconnaître un rôle déterminant du directeur de l'enseignement du second degré à l'époque, qui s'appelait Gustave Monod, qui était également un compagnon de l'université nouvelle et un proche de Jean Zay. Donc on voyait, on retrouve encore la filiation jusqu'à la mise en place des premières mesures du plan Langevin-Vallon. Alors, qui sont ces Langevin et Vallon dont on ne cite jamais les prénoms, Pierre Kahn en l'occurrence, pour parler de ce plan? Paul Langevin, Henri Vallon. Paul Langevin, bon, c'est quand même le grand scientifique qu'on connaît. Physicien. Auréolé, effectivement, de son rôle pendant la résistance, de son opposition à l'occupant, au nazisme. Vallon, c'est aussi... Henri. J'ai pas dit que c'était Henri. Si vous l'avez sûrement dit, je le rappelle pour nos auditeurs, Henri Vallon. Henri Vallon, c'est aussi un grand savant, professeur au Collège de France, grand psychologue de l'enfance, mais qui a été dès la libération l'équivalent très éphémère, mais quand même il a été du premier ministre de l'Éducation nationale, si je puis dire, immédiatement à la libération. Donc ce sont des personnalités effectivement qui jouissent d'une aura indiscutable. J'ajoute qu'ils sont tous les deux langevins depuis peu, depuis moins longtemps que Vallon, mais ils sont tous les deux communistes. André Robert. Oui, je crois qu'on pourrait ajouter par rapport à ce qui est la problématique de l'émission Pédagogie et Éducation Nouvelle, que Langevin, Vallon et un autre membre de la commission, un autre psychologue, Henri Pierron, qu'on ont entendra été tout à l'heure, tous trois présidents du GFEN, Groupe Français d'Éducation Nouvelle. Dont on avait une représentante contemporaine de nous-mêmes lundi dans l'émission. On écoute la voix d'Henri Vallon, tendez un peu l'oreille parce que l'archive est ancienne, elle date de 1946, dans une émission qui s'intitulait « Réponse à tout », présentée par le très grand producteur de radio qui était André Gillois. Les grands principes dont s'est inspirée la commission Langevin sont la démocratisation de l'enseignement au sens nouveau du terme. Il ne s'agit plus seulement, en effet, de permettre aux enfants les mieux doués et les plus méritants d'accéder aux situations les plus enviées. C'est pour tous que doit exister la démocratie. C'est le niveau culturel de tous, suivant les attitudes de chacun, qu'il s'agit d'élever. C'est à la portée de tous, quelle que soit la profession de chacun, qu'il s'agit de mettre les avantages et les plaisirs qui doivent résulter de la culture. Un second principe, qui découle de celui-ci, est de lier plus étroitement l'école et la vie. L'école ne doit plus être ce rayon de vie où les enfants passent de si longs jours loin de leurs intérêts spontanés. Les curiosités éveillées à l'école doivent pouvoir se satisfaire dans la vie quotidienne de l'enfant, qui doit elle-même être aménagée dans ce sens par l'institution d'activités extrascolaires où l'enfant trouve l'emploi de ses goûts les plus spontanés. Enfin, l'école doit utiliser l'enfant tout entier, ne plus l'amputer de ses bras et de ses jambes, soi-disant au profit du seul cerveau qui pense. Toute activité de l'homme et de l'enfant est un accès possible vers son intelligence, sa compréhension et sa réflexion. Toute technique peut et doit être rendue éducative. Le mépris où ont été trop longtemps tenues les techniques dites manuelles a contrarié le développement complet et bien équilibré de l'intelligence. Mais c'est M. le professeur Langevin qui va pouvoir encore mieux vous expliquer quelle doit être l'architecture de notre nouvelle université. C'est ce qu'on appelle le suspense ménagé par notre réalisatrice Anne Fleury. On entendra Paul Langevin tout à l'heure. Séverine Yattard. Donc là, on voit bien, André Robert, qu'il va y avoir une refonte de tout le système scolaire, du primaire, du premier degré, donc du second degré, et puis du lycée. Puis on entend dans cette archive qui parle justement que l'enfant doit aussi épanouir ses potentialités artistiques, sportives, etc. Et donc il y a toute une proposition au niveau des horaires, par exemple, de travail que l'enfant doit effectuer. De 7 à 9 ans, de 9 à 11 ans, voilà. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de ces propositions, où l'enfant, et qui sont issues sans doute, enfin, vous allez me le confirmer, des pédagogies nouvelles, où l'enfant donc est dans l'acquisition des savoirs le matin et l'après-midi, dans celle plutôt de l'exploration peut-être d'autres matières ou disciplines. Oui, je crois que il faut dire préalablement que le plan Langevin-Vallon a deux objectifs centraux qui sont, premièrement, une réforme des structures du ce qu'on va appeler le système éducatif pour aller vite dans un sens de démocratisation, c'est-à-dire l'ouverture de ce qu'on appelle aujourd'hui le second degré à l'ensemble de la population, alors que le secondaire, de l'époque était extrêmement sélectif, réservé à une fraction très particulière de la population. Donc, réforme de structure dans le sens de la justice sociale, c'est le principe qu'affirme le plan de Jean Vallon, et réforme des méthodes, réforme des conception de la pédagogie et de l'enseignement. D'où des horaires qui sont programmés dans le plan, dans cette version du plan, qui sont extrêmement surprenants pour nous rétrospectivement, puisque de 7 à 9 ans, l'enseignement, disons l'enseignement théorique, les connaissances fondamentales, sont enseignées 2 heures par jour. De 9 à 11 ans, 3 heures. De 11 à 13 ans, 20 heures. Vous voyez ? Et simplement de 13 à 15 ans, 25 heures par semaine. C'était par semaine, les deux derniers chiffres que j'ai évoqués. Donc, il y a cette alliance réforme de structure, réforme de méthode. Pierre Kahn. J'aurais rajouté deux choses. Premièrement, dans l'archive qu'on vient d'entendre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est la conception qu'a Vallon, ou qu'il énonce, de la démocratisation. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout ce que Antoine Pro a appelé une démocratisation de la sélection, c'est-à-dire simplement aller puiser dans toutes les classes de la société les talents où ils sont, de façon à pouvoir reconstruire d'autres élites. C'est l'élévation du niveau culturel global de la nation. Avec les aptitudes de chacun qu'il faut élever. Le niveau culturel de tous, avec les aptitudes culturelles de chacun. C'est-à-dire, ça veut dire aussi diversité des aptitudes, le plan le dit explicitement, c'est-à-dire que toutes les aptitudes doivent avoir la même dignité. C'est la raison pour laquelle tous les élèves vont jusqu'à 18 ans, quel que soit le type d'études qu'ils font jusqu'à 18 ans. Il ne faut pas le mépris du manuel, par exemple, comme le dit Henri Vallon dans ce discours, Laurent Gutiérrez. Oui, alors, une nouvelle fois par rapport à cette archive, il faut bien comprendre que, il faut regarder de quelle place parle Vallon à ce moment-là, quand il dit ça. 1946. À ce moment-là, Langevin est encore en vie, il n'est pas encore le fameux deuxième homme qu'il sera par la suite, et donc il est vice-président avec Henri Piron de cette commission. D'ailleurs, ce plan de réforme, jusqu'à la mort de Langevin, on parle bien du plan Langevin. C'est une réforme qui est pensée par Langevin, et j'aimerais profiter de l'occasion pour dire que on a souvent présenté ce plan comme un plan où il y avait une sorte d'unanimité sur les décisions prises, ce qui n'est pas le cas. On a travaillé avec Pierre Kahn notamment sur les procès-verbaux, et on voit qu'il y a des positions complètement différentes sur un certain nombre de sujets entre les membres, et notamment sur, effectivement, vous avez évoqué le manuel, mais en termes de pédagogie, tout le monde n'est pas d'accord sur les méthodes à suivre. Oui, alors on a évoqué le nom de Paul Langevin, il faut peut-être désormais l'entendre dans cette même archive de 1946 tirée de l'émission Réponse à tout présentée par André Gillois. Une première conséquence évidemment est celle de la gratuité de l'enseignement à tous les degrés. Gratuité qui n'est pas suffisante, qui doit être accompagnée d'allocations familiales quand il s'agit d'enfants, de pré-salaire quand il s'agit d'apprentis, de subventions quand il s'agit d'étudiants, de manière à ce que l'égalité au départ ne soit pas compromise par des différences de situation matérielle, étant bien établi que des difficultés ou d'alimentation ou d'habitation retentissent profondément sur la carrière scolaire des enfants. Il faut que ceux-ci soient convenablement nourris si on veut exiger d'eux l'effort intellectuel dont ils sont capables. Et à ce point de vue, j'ai appris récemment que nos amis britanniques organisent de la façon la plus large actuellement des cantines scolaires qui donnent à tous les enfants, sans distinction de fortune, les plus aisés ayant à payer par l'intermédiaire des impositions, impose à tous les enfants de prendre le repas principal de la journée à l'école. Alors, ils sont placés ainsi sur un pied d'égalité que ne réalise pas la situation actuelle. Je rappelle que nous parlons dans cette série d'émissions consacrée donc à la pédagogie nouvelle et aux pédagogies nouvelles du plan Langevin-Wallon, plan donc élaboré à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir rénover les enseignements. Alors Paul Langevin, dans cette archive, Pierre Kahn évoque la Grande-Bretagne. Hier, dans une autre émission, on a évoqué le modèle anglais à propos de l'école des Roches, une école très élitiste qui était très différente justement d'autres écoles qui appliquaient la pédagogie nouvelle. Là, la Grande-Bretagne, de cette fin de guerre, met en place ce système des cantines pour tous, pour que tout le monde puisse bien se nourrir, pour pouvoir faire le travail intellectuel, Pierre Kahn. C'est intéressant que vous évoquiez la Grande-Bretagne et les origines aristocratique, on va dire, de l'éducation nouvelle. Ce qui se passe avec le plan Langevin-Wallon, mais déjà, André Robert l'a rappelé avec Jean Zay, c'est une espèce de réappropriation démocratique, au fond, des principes de l'éducation nouvelle, qui en eux-mêmes ne sont pas particulièrement à l'origine d'intentions démocratiques, qui sont même plutôt, comment dirais-je, destinés à l'éducation de l'élite, absolument. Mais on entendait ça hier aussi, justement, à l'école des Roches, cette importance donnée à la nourriture, au repas, et puis il faut préciser que qui sont ces élèves qui vont devoir aller de manière démocratique justement à l'école, ce sont des essentiellement en tous les cas dans le primaire, ça concerne des élèves de milieux ruraux ou ouvriers, hein, sociologiquement. André Robert. Je reviens un peu sur la question du modèle anglais. On aurait pu s'attendre que dans une commission qui a été désigné ultérieurement comme phagocyté par le Parti communiste. Mm-hmm. Il y avait 7 membres du Parti communiste dans la commission, je crois. Et sur 22, c'est ça? Oui. Une vingtaine, voilà. Je crois. Et 27. Quelques compagnons de route. Dans l'oreillette. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit le modèle soviétique d'éducation qui soit prioritaire. En fait, j'ai pu montrer par des travaux sur les commissions qui ont précédé la commission Langevin-Wallon, c'est-à-dire la commission Catala à Londres en 42-43, puis la commission Dury à Alger en 44, et également dans les choix faits par Paul Langevin, que en fait ces commissions regardaient plus vers le modèle anglais d'éducation que vers tout autre modèle. Cette question des cantines dit aussi quelque chose, Laurent Gutiérrez, sur l'état de la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et il ne faut pas oublier, c'est ce que vous avez fait dans votre ouvrage, cet état économique en particulier, d'effondrement de l'économie française, dans la façon dont on conçoit ce plan Langevin-Wallon. Et moi, c'est peut-être ce que j'ai appris de neuf dans votre travail en commun, c'est effectivement cette dimension de reconstruction, c'est-à-dire ça n'est pas simplement un plan de démocratisation de l'enseignement, c'est un plan pour mettre aussi de jeunes élèves qui vont être des apprentis au travail, pour satisfaire aussi les besoins d'une industrie qui demande 35 000, qui a 35 000 apprentis par an, mais qui en demande 110 000 en criant, dit certains membres de cette commission. En l'occurrence, Laurent Gutiérrez. Oui, dès le départ, dès la première séance, le 29 novembre 1944, les échanges ont lieu sur les difficultés qu'il va avoir à appliquer cette réforme à l'ensemble de la population française. Je vous rappelle quand même qu'au sortir de la guerre, l'une des priorités est de relancer l'économie par le biais des instituteurs. Et ces instituteurs ont une mission, et cette mission est de contribuer à éviter l'exode rural massif vers les villes. Alors, ce point, je l'évoque parce que cette réforme, quand bien même elle a un certain nombre d'orientations, dès le départ, on voit bien les difficultés à s'adresser à l'ensemble des enfants du pays en fonction d'où ils résident et en fonction de leur milieu. D'autant que les instituteurs sont moins nombreux, qu'il y a moins de gens qui s'engagent dans cet enseignement, que les professeurs renoncent généralement, après avoir eu leur concours d'enseignement, à enseigner, et que donc on se retrouve avec un manque manque de bras et de bouche pour pouvoir enseigner aux jeunes enfants en France en 1945-46. Là encore, il y a une question de contexte, véritablement, puisque il y a des problèmes de traitement très importants chez les instituteurs. C'est socialement, devenir instituteur ou se lancer dans la carrière d'instituteur à la Libération n'est pas une position sociale à ce moment-là qui est intéressante. Et c'est vrai que là encore, le poids de ton contexte est important, puisque cette question de la réforme de l'enseignement tient véritablement à partir du moment où vous avez une cohorte d'enseignants suffisamment volontaires pour le faire. Je vous rappelle quand même que le plan Langevin-Wallon commence fin 44 et il faut attendre octobre 46 pour voir le statut des fonctionnaires et donc la revalorisation des traitements des instituteurs être votée au Parlement. Et justement, que préconise le plan Langevin-Wallon sur la formation? Alors, je ne sais pas si c'était là-dessus, Pierre voulait intervenir sur la formation de ses enseignants, mais bon, sur la formation parce que... Non, je voulais juste, à propos de cette question que vous avez posée à Laurent Gutiérrez, dire que jusqu'à un certain point, il peut y avoir une contradiction quand même dans le plan, entre cette nécessité de reconstruction, donc, comme vous l'avez dit, de remettre les jeunes au travail, et en même temps, la volonté affichée et manifeste dans le plan d'une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Ce qui fait que ça va être un des débats intéressants et vifs à l'intérieur de la commission, savoir est-ce que vraiment on peut, dans tous les milieux, dans tous les cas, et notamment à la campagne, dans les milieux ruraux, mettre la scolarité à 18 ans. Et ça va être une des mesures provisoires du plan de momentanément baisser l'âge de la scolarité. La question des mesures provisoires est une question intéressante. Oui, et on va donc continuer à discuter, en particulier de cette question de l'apprentissage, la façon dont on va former des techniciens de bonne qualité pour l'industrie en particulier. Et c'est un peu la discussion qu'il y a entre Paul Langevin et René Girard de la CGT dans cette même archive de mai 1946 dans l'émission Réponse à tout. Il est indispensable que l'école prenne en charge la formation professionnelle de tous. C'est commencé, il n'y a encore qu'une proportion trop faible d'enfants qui reçoivent ici, dans le cadre de notre enseignement, leur formation pour le métier qu'ils exerceront. Il est tout à fait nécessaire que nous tendions à généraliser cette possibilité et que nous donnions, dans le cadre de l'école, la formation professionnelle, aussi bien pour les métiers manuels que pour les métiers intellectuels. Cela se fait actuellement pour les métiers intellectuels. Il faut que nous arrivions à le faire également pour tous les métiers manuels. Qu'en pense la Confédération Générale du Travail, mon cher Girard? La CGT, avec ses 6 millions d'adhérents, est tout entière d'accord avec la réforme de l'enseignement qui doit pratiquement permettre aux enfants de la classe ouvrière d'accéder au deuxième degré, de s'instruire jusqu'à 17 ou 18 ans. Elle loue en elle cette inspiration philosophique qui reconnaît la valeur éducative et humaine de la formation manuelle utilitaire. Elle se réjouit de ce que l'esprit laïque y souffle. Mais surtout, la CGT se félicite de ce que les réalisations actuelles, pour lesquelles elle a lutté, s'inscrivent dans le cadre du programme de la réforme. La CGT pose avec force, en effet, depuis la Libération, le problème de la formation professionnelle des jeunes filles et des jeunes gens quittant l'école primaire. Mais, en réaliste qu'elle est, la CGT veut des solutions immédiates, même incomplètes, même imparfaites. Et c'est pourquoi elle a déposé un projet de loi d'organisation et de financement de l'apprentissage en France. Il s'agit de développer l'apprentissage en quantité, en utilisant tous les moyens du bord, même s'ils ne répondent pas à nos positions de principe, à nos vues idéales. Et nous nous battons à mesure pour améliorer la qualité de cet apprentissage. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une époque, donc, 1946, où c'était René Girard de la CGT qui réclamait de l'apprentissage. Aujourd'hui, on entend plutôt les gens du MEDEF réclamer ce même apprentissage, parfois. Et c'est assez intéressant de voir, effectivement, qu'il y a là, dans cette discussion entre Paul Langevin et René Girard, quelque chose qui est au cœur même du plan Langevin-Wallon. C'est brillant. Oui, parce qu'il y a l'idée que dans cet enseignement professionnel, il va y avoir des conseils d'administration avec justement présence de cadres, mais aussi de syndicats ouvriers, pour justement conseiller un petit peu cette formation. Dans le... Alors, André Robert. André Robert. Alors, parce que je voudrais insister sur le fait que la commission Langevin-Wallon propose une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Mmh. Et pour tous. Pour tous, mais avec qui constitue le premier degré, et avec un tronc commun jusqu'à l'âge de 15 ans. La différenciation ne s'opère qu'à l'âge de 15 ans. Bon, il y a entre 11 et 15 ans des options, hein, des possibilités de manifester des aptitudes dans tel ou tel secteur, mais à partir de 15 ans, il y a différenciation entre le pratique, le professionnel et le théorique. Le pratique conduit au CAP, le professionnel conduit au BEP et le théorique conduit au baccalauréat. Il n'existe pas encore, mais c'est l'équivalent. L'équivalent, voilà, c'est l'équivalent. Et donc, ça signifie que un des buts du plan Langevin-Wallon, André Robert, c'est l'orientation. C'est une meilleure orientation des élèves. On va attendre que mûrissent chez eux des capacités, des aptitudes, et que ces aptitudes, se faisant jour face à des enseignants qui seraient mieux formés pour les repérer, ces aptitudes, eh bien, au bout du compte, on puisse mieux les orienter pour les conduire dans la bonne section. C'est cela même. Alors, c'est l'importance de la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. C'est que ce temps long donné à tous permet l'éclosion, le développement des aptitudes, voilà, qui sont conçues par Henri Wallon, non pas comme une disposition donnée uniquement par l'hérédité, mais comme quelque chose qui se développe à travers l'éducation. Et de fait, le plan Langevin-Wallon insiste beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler rétrospectivement une culture commune de haut niveau donné à tous, et ensuite une différenciation qui s'opère à partir de l'âge de 15 ans. Et là, on est bien dans les théories des pédagogies nouvelles, André Robert. Enfin, cette question d'observer l'enfant, où il absolument, en est, quelles sont ses, absolument, ses vocations. On est fondamentalement autour de la notion d'éducabilité, qui est au cœur de l'éducation nouvelle. Pierre Kahn. Deux choses, si j'ai le temps. Vous avez le temps. Premièrement, il y a effectivement, au niveau du cycle d'orientation, c'est-à-dire 11-15 ans, une véritable articulation entre les réformes de structure et les réformes pédagogiques. Les réformes de structure, bon, c'est le cycle d'orientation auquel vont tous les enfants, hein, tous les enfants qui sortent du cycle élémentaire, disons de l'école primaire, hein, pour déboucher pour tous les enfants sur le dernier cycle, le cycle de détermination de 15 à 18 ans. Hein, mais donc ce cycle d'orientation, et il est stratégique sur le plan des structures, mais il appelle nécessairement, en quelque sorte, les pédagogies nouvelles, parce que dans ce cycle d'orientation, précisément, il s'agit d'orienter les élèves et de différer le plus possible la possibilité de détecter les aptitudes, de solliciter différentes situations pédagogiques ou de fabriquer différentes situations pédagogiques pour que les aptitudes se développent. Donc, inévitablement, méthodes actives et pédagogies nouvelles. Il y a une vraie articulation entre structure et pédagogie. Il y a quelque chose qui m'a surpris en vous lisant les uns et les autres, Laurent Gutiérrez, c'est la question de cette culture, le souci du culturel. C'est René Capitan qui est donc celui qui lance la commission Langevin-Wallon à l'automne 1944, ministre donc à cette époque-là, qui dit il faut introduire partout le souci culturel. Alors, comme le mot culture aujourd'hui est un mot valise, ça signifie quoi, Laurent Gutiérrez, ce souci culturel pour des contemporains de ce plan Langevin-Wallon? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, on peut l'entendre de différentes manières. Pour ma part, je l'entends comme un accès, effectivement, au savoir et à la connaissance qui, à terme, réduira les écarts entre les élèves qui pourront se destiner à terme à une orientation qu'ils pourront choisir. Car le terme n'a pas encore été énoncé, mais ce plan Langevin-Wallon repose fondamentalement sur un concept qui est celui de la méritocratie. C'est quelles que soient ses origines sociales, on doit être, au regard de son travail scolaire, reconnu pour ses aptitudes. Alors, je veux revenir quand même, si vous me permettez, sur la question de l'apprentissage. Elle est très importante. Paul Le Roland, qui est le directeur de l'enseignement technique dans le cadre de la commission Langevin-Wallon, Pour lui, l'apprentissage, c'est un service public d'intérêt national. Mmh. Et dans ce cadre-là, pour revenir à l'archive, je vous rappelle que les travaux de la commission Langevin-Wallon ne seront pas à l'heure, seront en retard. Et ce retard, je comprends bien qu'à ce moment-là, effectivement, la CGT puisse s'emparer du retard que prend la commission pour participer à un comité de perfectionnement pédagogique de l'apprentissage, où on retrouvera notamment Georges Friedman, qui va en profiter pour relancer, pour accélérer, on va dire, les décisions en termes politiques sur la question de l'enseignement technique, mais surtout sur la question de la réforme de l'enseignement agricole, qui, à ce moment-là, est véritablement un impératif au niveau des ministères pour relancer l'économie du pays. Pierre Kahn. Bon, ça fait un peu comme un escalier en spirale. Mais c'est bien, c'est bien. On monte et on descend. Sur la question de la culture, pour moi, il y a deux grands sens de cette référence à la culture dans le plan Langevin-Wallon. Il y a d'abord, effectivement, et ça a été dit dans l'archive qu'on vient d'entendre, une volonté de promouvoir une forme de culture que on pourrait appeler jusqu'à là alors non légitime ou moins légitime, qui est la culture technique, et même la culture du travail, la culture de la main, je ne sais plus qui, enfin si je crois que c'est Roger Gall dans une des séances de la commission. Il y a donc cette volonté de promouvoir cette culture-là et d'en faire une culture au même titre que la culture classique, littéraire ou scientifique. Mais il y a aussi une volonté très forte de développer ce qu'on pourrait appeler, ce que le plan appelle la culture générale dans les sections pratiques et professionnelles. Hein. Que l'on soit cantonnier, ouvrier, agriculteur, producteur de cornichons, tout ce qu'on veut, on a droit d'aller au théâtre, on a droit à la littérature, on a droit à ça. On est dans l'éducation populaire, enfin, les idéaux. Et ça pose la question, effectivement, du rapport entre, le rapport que le plan établit entre l'école et le hors-école avec l'éducation populaire. Absolument. Alors, je vous ai promis au début de cette émission d'entendre Henri Pierron, toujours issu de cette émission Réponse à tout du 28 mai 1946 sur la radio nationale. Henri Pierron était psychologue. Il était vice-président de cette commission de réflexion sur la rénovation et la transformation de l'école. On l'écoute sur la formation des maîtres. Il faut que les pédagogues apprennent à mieux connaître les lois du développement de l'enfant. Il faut savoir qu'il y a des moments favorables dont il faut profiter dans ce développement. Par exemple, les moments où l'acquisition du langage est extraordinairement facile. Il faut au contraire ne pas prétendre faire acquérir des connaissances trop tôt, car alors on gaspille des efforts inutiles. Tandis que si on attend le moment voulu, on obtiendra le même résultat en un temps beaucoup plus court. Et il faut savoir passer du concret à l'abstrait suivant les lois mêmes de développement d'esprit humain et ne pas se figurer que l'on peut faire absorber par l'enfant des notions abstraites qui n'ont pu naître qu'après une longue élaboration qui, naturellement, n'est pas encore possible dans ces esprits jeunes et qui n'ont pas atteint la maturité voulue. Et il faut savoir utiliser les tendances propres, les intérêts des enfants, pour économiser aussi l'effort. Il leur sera beaucoup plus facile d'acquérir lorsque leur intérêt se trouvera éveillé. Certes, il faut savoir éduquer l'effort, mais ça n'est pas par là qu'on commence. Henri Pierron, dans cette émission Réponse à tout de 1946, membre, comme les autres que nous avons entendus, de cette commission de réflexion dite Langevin-Wallon. Henri Pierron, qui, je crois, n'avait pas tout à fait la même appréhension de la notion, non, d'aptitude par rapport à Henri Wallon, qui était peut-être plus fixiste, plus, voilà. Il était plus Innéiste. Pour Pierron, les aptitudes sont innées. Mais peu importe, à la limite. La question est de savoir ce qu'on en fait. Et donc, pour la question de l'éducation nouvelle, ça revient au même, quelque sorte. Alors, tous les cas, il faut former les pédagogues, c'est ce qu'on entend. Hein, alors, réaction à l'archive, on peut insister sur le fait que la commission Langevin-Wallon met l'accent sur l'importance de la formation des maîtres. Et compte tenu du fait que la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans constitue le premier degré avec les différenciations dont nous avons parlé, mais uniquement dans le cycle de détermination à partir de 15 ans, la commission envisage une formation commune des maîtres et une distinction qui est simplement une distinction de forme entre les maîtres dits des matières communes et les maîtres dits de spécialité. Ultérieurement, le plan Langevin-Wallon aura une descendance lorsque, dans les années 90, seront mis en place les IUFM avec l'idée de formation commune des maîtres. Alors, école normale ou pas école normale, justement, à l'époque ? Alors, école normale, dans un premier temps, pour tous, comme lieu de formation. Baccalauréat obligatoire aussi, voilà. Baccalauréat obligatoire. Laurent Gutiérrez, une des questions, parce que le temps tourne, il faut arriver à la conclusion de cette émission d'ici quelques temps. Une des questions qu'on se pose, c'est ce mythe d'un plan qui n'aurait jamais été appliqué. Est-ce qu'il a été appliqué ? Dans quelle mesure a-t-il été appliqué ? Et j'imagine que vous n'êtes pas tous d'accord d'ailleurs sur la pérennité ou la pérennisation des préconisations du plan Langevin-Wallon après 1947 et la façon dont il a pénétré ou non dans les réformes ultérieures de l'enseignement. Bien, je crois qu'effectivement, c'est une question difficile à traiter. Sur la question de l'application, il faudrait véritablement aller regarder les textes, mais surtout ce qui se fait ensuite. Parce que effectivement, on peut considérer, je pense qu'on peut être d'accord sur ce point, que il a irrigué les plans de réforme postérieurs de l'enseignement. Quant à savoir si véritablement ces idées, ces orientations sont passées dans les faits, alors certaines probablement, je pense notamment que sur l'idée d'orienter plutôt que de sélectionner, il y a eu des mesures qui allaient dans ce sens-là. Maintenant, je crois fondamentalement que le plan Langevin-Wallon les travaux de la commission Langevin-Wallon et ses conclusions avaient dès le départ, on va dire, une postérité, puisque il y avait une idée de réformer l'ensemble du système. Or, la différence du plan Langevin-Wallon avec les autres projets de réforme et les autres réformes, la différence, elle est au niveau de la manière dont sont conçues ces réformes. Les autres réformes, ce sont des réformes partielles. Sur des moments ou sur du cursus scolaire, mais ce n'est jamais un plan d'ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut regretter aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, quand on pense une réforme de l'école ou du système éducatif, plus précisément, on ne peut pas. Alors, il y a une question de moyens aussi, d'application, mais il est difficile de la penser dans son ensemble. Pierre Kahn. Je serais peut-être plus pessimiste que mon collègue et ami Laurent Gutiérrez. Je pense que il y a eu la grande différence avec les réformes ultérieures, c'est que elle se joue au niveau du cycle d'orientation. Le plan Langevin-Wallon souhaite que l'orientation se fasse à l'intérieur de ce cycle. C'est la raison pour laquelle il s'appelle un cycle d'orientation. Et que, à la limite, ça soit extrêmement progressif, on l'a dit tout à l'heure. Dans les réformes ultérieures, et notamment la réforme du collège unique, Abby 1975, l'orientation se fait à la fin. Et l'orientation est une orientation qui consiste à dire soit on a suffisamment de résultats satisfaisants pour aller dans la section générale, soit on est orienté, la plupart du temps, pas toujours il est vrai, mais la plupart du temps par défaut, dans le lycée professionnel. Et là, on est quand même aux antipodes du plan Langevin-Wallon. Donc de ce point de vue-là, je pense... Ça n'a pas marché. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que c'est autre chose. C'est autre chose. L'orientation n'est pas conçue au même moment, en quelque sorte. André Rambert. Oui, certains analystes ont pu prétendre qu'il y avait une communauté assez proche entre le plan Langevin-Wallon et d'autres réformes, notamment la première réforme structurelle de l'après-guerre qui est réalisée en janvier 1959 par le ministre Berthoin sous la présidence du Conseil de Gaulle, qui est encore président du Conseil pour quelques heures. Et de fait, les textes de 59, c'est prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, elle était encore jusqu'à 14 puisque le plan Langevin-Wallon n'a pas été appliqué, et d'autre part, communauté possible, le terme aptitude, qui est très présent dans le plein Langevin-Wallon, est également extrêmement présent dans le texte berthoin. Sauf que dans le plan Langevin-Wallon, on se donne le temps, sur une période qui va jusqu'à 18 ans, d'observer, de repérer et de laisser éclore les aptitudes, de les former, alors que dans la réforme de 1959, on repère des aptitudes dans une conception alors tout à fait inéiste, pour le coup, en un trimestre. Mm-hmm. Voilà, la différence est fondamentale. Et c'est pour cela que c'est devenu, comme je le disais en ouverture de cette émission, la fonction quasi liturgique pour la gauche française, ce plan Langevin-Wallon, et une référence sacrale selon Antoine Prost. C'est parce que les promesses n'ont pas été tenues d'une certaine manière pour une partie de la gauche. Non, je crois que ce que mon ami Pierre Kahn a très bien souligné, c'est que aujourd'hui le plan Langevin-Wallon, même d'un point de vue politique, il est instrumentalisé en définitive. C'est qu'on y trouve ce qu'on veut bien y trouver pour faire valoir une orientation, et cette orientation en l'occurrence, c'est la question fondamentale de du rapport sélection orientation. Quel est le temps que l'on donne dans ce cycle central, hein, qui est le cycle aujourd'hui, qui est le collège, et quel est le temps que l'on donne à l'élève à un moment donné pour qu'il puisse aller vers, on va dire, une orientation, pour dire les choses globalement, mais pour qu'il aille dans une direction qui correspond alors aussi à ses envies, mais à ses capacités. Et la grande difficulté, de mon point de vue, elle est là, encore aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on a traité un petit peu toute la semaine. C'était un des fers de lance des pédagogies nouvelles, respecter le rythme de l'enfant, voilà, regarder ses aptitudes. Dans ce sens-là, le plan Langevin-Wallon... répond pleinement à cette à ces idées. Complètement dans cette perspective, oui, tout à Kahn. Tout à fait. Non, je ne peux que souscrire à ça. Merci à tous les trois. Si on veut en savoir plus sur ce plan Langevin-Wallon, il y a beaucoup plus dans ce petit livre de 150 pages, donc qui s'intitule Le plan Langevin-Wallon, histoire et actualité d'une réforme de l'enseignement. Il est publié aux éditions universitaires de Lorraine, et on trouve vos contributions à tous les trois, donc Laurent Gutiérrez, Pierre Kahn et André Robert. Merci à tous les trois. On termine, vous parliez tout à l'heure, à l'instant même, Laurent Gutiérrez, des collèges, des enfants des collèges de Fureau et Rousset, chantent Salam Salam. Ils sont les lauréats de l'école en chœur. Ils ont été dirigés pour cela par Françoise Atlan et avec le musicien Fouad Hadi au violon et à l'oud. C'était le quatrième et dernier volet de notre série d'émissions consacrée aux pédagogies nouvelles. Merci à vous, Séverine Yattard, de l'avoir co-animé avec moi. Une émission donc préparée par Aurélie Marsay et Francesca Fossati. Élise Leheu était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.